bien vers Issa Diawara. Tout à l'heure, on avait du mal à le suivre. On espère que cette fois, on l'écoutera bel et bien. On revient vers vous, Issa Diawara, vous qui paraissiez satisfait de ce don d'équipement fait par la Chine à Bamako et vous qui saluez également cette alliance entre le Mali et la Chine. Ok, merci beaucoup. Madame, j'espère que vous me recevez bien cette fois-ci. Ok. Ceci étant, effectivement, je ne suis pas le seul. Hein. Le peuple malien, dans sa grande majorité, apprécie cela. Ça faisait longtemps qu'au Mali, on n'avait pas l'habitude de recevoir de tels MC, en tout cas de tels matériels. Cela date peut-être d'une époque où Issa Diawara était encore peut-être très petit. Donc depuis mon adolescence jusqu'à présent, voir le Mali recevoir plusieurs matériels comme ça, ça n'a jamais été le cas. Pourquoi? Parce que depuis 1991, depuis l'avènement de leur fameuse démocratie, quand la France en tout cas a manipulé, en tout cas a contribué à faire venir certains hommes politiques ici à la tête du pays, lesquels hommes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désarmé l'armée malienne, n'oubliez pas. À l'époque déjà, 91, l'armée malienne avait déjà plus de 10 avions MiG-21 de combat. Ça, ce n'était pas à la portée de toutes les armées africaines. C'était une armée qui est ce qu'on appelle aujourd'hui des grandes armées au niveau de l'Afrique, avec des chars, avec des missiles sol-air, des missiles sol-sol de dernière génération à l'époque. Mais quand les politiciens vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont faire croire à l'opinion nationale que toute démocratie n'a pas besoin d'une armée forte. Résultat, c'est quoi? Ils vont, en tout cas, démonter l'armée malienne. Ils vont orchestrer par tous les moyens des incendies au niveau de certains camps militaires ici. Donc, l'armée malienne va se retrouver presque sans armes lourdes. Et c'est dans ce contexte que les rebelles commencent à agresser le Mali, jusqu'à ce que la France nous apporte une horde, bien sûr, de touristes qu'elle fait appeler les rebelles. Et puisque le Mali n'était plus armé, qu'est-ce qu'on fait? On nous contraint à un accord qu'on va faire appeler accord d'Alger pour la paix. Une paix qui n'a jamais été possible. D'ailleurs, depuis la signature de cet accord, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la signature de cet accord, qu'est-ce qui s'est passé? La paix s'est éloignée de plus en plus, de plus en plus. Quand on signait cet accord, le problème était au nord du Mali. Et dernièrement, le problème s'est étalé jusqu'au centre du Mali. Et depuis que le Mali a commencé à réceptionner, bien sûr, tout ce lot de matériel, nous avons été en mesure de dire à la France, maintenant ça suffit. Parce que ce qu'on ne peut pas comprendre, il y avait une ironie, c'était quoi cette ironie? On dit que l'armée malienne a besoin de s'armer. Au même moment, on faisait des embargos contre le Mali pour ne pas acheter des armes. Au même moment, on pousse les rebelles à avancer. On nous désarme. On fait monter les rebelles en puissance et au même moment, on vient jouer au pompier pyromane. Et je crois que tout ça, c'est derrière nous maintenant. Et l'armée malienne a suffisamment aujourd'hui d'avions de chasse, d'avions de combat et d'avions d'entraînement, de drones, bien sûr, de blindés, tels que vous avez dit, qui se continuent pas en dizaines, mais à des centaines maintenant. Donc pour nous, aujourd'hui, l'objectif reste de sécuriser les Maliens et le territoire malien. Tout ce qu'on dit autre-là, développement autre-là, si vous n'avez pas les moyens de sécuriser les ressources d'eau et gorge, le sous-sol du Mali, si vous n'avez pas les moyens de sécuriser les ressources dont contient le territoire malien, on ne va pas vous parler de ville de Tombouctou, de Djéné ou autre ville encore, les ressources dont contient en tout cas l'intégrité qu'on peut retrouver partout au Mali, on ne peut pas aujourd'hui sécuriser ces ressources tant qu'on n'a pas une armée digne de ce nom. Quand nous serons en mesure de sécuriser les Maliens et les Maliens, et bien sûr, et nous serons libres d'exploiter sans contrainte toutes les ressources du Mali au profit des Maliens, comme d'ailleurs l'avait réussi le guide Mamar Kadhafi du côté de la Libye. Donc ce matériel-là, les Maliens l'ont appelé, si vous suivez les radios au Mali, les télévisions au Mali, les médias sociaux au Mali, dans leur grande majorité, si vous faites une analyse, les Maliens sont satisfaits et cela va même au-delà du Mali. Et les frères africains qui accompagnent bien sûr les Maliens dans ce combat sont dans leur grande majorité satisfaits. Parce que pour nous, ce qui se joue au Mali, nous l'avons dit, nous le répétons, c'est la transition de l'Afrique subsaharienne aussi. C'est un combat qui se joue. si nous résistons contre les colons sur le plan militaire, il n'y a pas de raison que cela ne passe pas autre part en Afrique. Donc, nous avons tous intérêt que cela marche et nous pensons que les choses sont en train de fonctionner. Et d'ailleurs, les équipements actifs font leur preuve. C'est pourquoi vous pouvez voir que les positions, les camps de l'armée malienne ne sont jamais attaqués. La dernière, en date, quand on a voulu s'attaquer au camp militaire de Sébaré, tous les terroristes qui se sont aventurés ont retrouvé la mort. Donc, personne pour s'attaquer. Aujourd'hui, il n'y a pas de terroristes pour s'attaquer au camp de l'armée malienne. Et bien sûr, l'armée malienne procède à ce qu'on appelle à des patrouilles, bien sûr, à des opérations offensives, et tant mieux, bien sûr, pour le Mali, et tant mieux pour l'Afrique, et désolé pour les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Merci. C'est Jawab. Afrique Média, le monde, c'est nous.